Le Bédouin et la mer de Théophile Gautier. Enregistré pour LibriVox.org. Le Bédouin et la mer. Pour la première fois, voyant la mer à Beaune, un Bédouin du désert, venu d'El Kantara, comparait cet azur à l'immensité jaune que piquent de points blancs Tugurt et Biscara. Et disait, étonné, devant l'humide plaine, cet espace sans bornes, est-ce un Sahara bleu, plongé comme l'enfait d'un vêtement de laine dans la cuve du ciel par un teinturier dieu? Puis, s'approchant du bord, où, las de leur lutte, les vagues retombant sur le sable poli, comme un chapiteau grec qu'entournait leur veloute, et d'un feston d'argent sourlait à chaque pli. C'est de l'eau, cria-t-il. Qui jamais l'eût pu croire? Ici, là-bas, plus loin, de l'eau, toujours, encore! Toutes les soifs du monde y trouveraient à boire, sans rien diminuer du transparent trésor. Quand même le chameau, tendant son col d'autruche, la cavale, dans l'auge enfonçant ses naseaux, et la Vierge, noyant les flancs blonds de sa cruche, puiserait à la fois au saphir de ses eaux. Et le Bédouin, ravi, voulant tremper sa lèvre dans le cristal salé de la coupe des mers. « C'était trop beau, » dit-il, « d'un tel bien Dieu nous sèvre, et ses flots sont trop purs pour n'être pas amers. » Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.